beauté. Tu sirotes un thé glacé. Des glaçons sont montés dans tes yeux et fondent pâles et bleus. Tu couvres de ton sourire l'univers malheureux. Et même s'il ne va pas mieux, il cessera un instant de s'apitoyer au pied de ta beauté. Ta main effleure mes doigts. Un frisson remonte jusqu'à mon épaule. Pour un peu, je pars en gole. La nature est cruelle, et même si elle perd la tête, les mentes religieuses ne s'accablent pas. Donner la vie par le trépas, après tout, pourquoi pas? Comme un petit bonheur, même si nous deux séparions de Janeiro, on a écrasé aucun escargot.